Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute du programme de la Première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Our guest tonight is Charles Chaplin. Cette semaine, des vies multiples. D'une migration à l'autre, Charlot, l'éternel vagabond. Looks like the sun. The sun. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. J'avais hâte de voir en studio. Aux États-Unis, tout le monde est pressé. Et comme par magie, je l'obtins. Charlie était considéré comme un mauvais citoyen parce que Charlie Chaplin a toujours refusé de demander la nationalité américaine. Il disait « Je suis un citoyen du monde ». Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle et a l'honneur de vous saluer. Le cinéma, c'était l'écran géant. C'était la découverte de l'image géante. Pour les gens, c'était la magie. Et donc, les cinémas étaient extrêmement populaires et les gens suivaient de façon presque religieuse l'évolution des différents films. Nous sommes aujourd'hui encore à nouveau avec Patrick Caboua, réalisateur de nombreux documentaires, réalisateur pour le coup là d'un nouvel opus, d'ailleurs dont vous allez nous donner le titre, je vous prie. Alors, le film s'appelle FBI, le dossier Chaplin, puisqu'il s'appuie sur un document déclassifié par les autorités américaines, donc en ligne, qui est accessible sur Internet à tout le monde, et sur lequel je me suis appuyé pour raconter cette histoire des démêlés de Charlie Chaplin avec le FBI et les services de renseignement américains. Fort de l'immense succès de ses films, Chaplin monte son propre réseau de distribution. Il s'associe avec trois autres vedettes hollywoodiennes, Griffiths, Pickford, Fairbanks. Ensemble, ils créent la United Artists. Cette société, qui n'était pas une société de production, mais une société de distribution, a été créée pour contrer le pouvoir de plus en plus monopolistique de ces majors aux États-Unis. J'ai cru lire dans votre biographie que vous aviez fait un tour dans votre tendre jeunesse du côté de la côte ouest des États-Unis. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est je me suis demandé si Chaplin pouvait être considéré, ou est-ce que ça vous a effleuré, comme une sorte de hippie avant l'heure. Alors, pour ce qui est de son pacifisme, évidemment, je pense que... On va dire les joints en moins. Voilà, peut-être. Mais quoique, dans un extrait de film de ses premières productions, on le voit fumer un joint. Mais non. Oui, absolument, on le voit fumer un joint. J'ai même mis l'extrait dans le film. Ah, ça m'a échappé, celui-là. Voilà, et c'est pour ça que je parle d'irrévérence à un moment donné. C'est qu'il fume un joint et il se bat même avec un méchant drogué qui se pique avec une seringue. Et lui-même s'assied sur la seringue et se trouve par hasard contaminé et devenir Superman. Hippie donc. Hippie donc par l'esprit. Et c'est l'esprit californien qui amène cet engagement pacifique qu'on retrouve, mais de bout en bout de l'œuvre et de la vie de Chaplin. Alors, une image dans votre documentaire... tombe sur un gros visage que j'ai tout de suite identifié, Fatty Arbuckle, qui est un personnage, alors sans doute que les auditeurs ne connaissent pas forcément, donc vous allez nous aider à le situer. J'ignorais pour ma part qu'il avait tourné avec Chaplin. En fouillant, j'ai vu qu'effectivement il avait tourné trois films avec Chaplin, dont un porte leur double nom. Charlie et Fatty font la bombe, les deux autres étant Charlie Grande Coquette et Charlie Garde Malade. J'ai pas les titres américains, anglais. Alors, qui est ce Fatty Arbuckle? Et puis, pourquoi vous arrêtez sur lui, en sachant quand même, il faut le dire d'entrée de jeu, c'est qu'il va être, me semble-t-il, le premier artiste américain blacklisté, ce dès le début des années 20. Alors, Fatty Arbuckle, de son vrai nom Roscoe Arbuckle, est également un comédien, jeune comédien à peu près du même âge que Chaplin, qui commence à peu près en même temps que lui, dans le même contexte de ses slapsticks, ses petites productions de courts-métrages des années 10-20. Arbuckle devient très célèbre rapidement, comme Chaplin. Il a un physique très rond, il joue toujours un peu le même genre de personnage, il a une palette moins étendue que Chaplin. Très physique aussi. Hein. Mais très physique, ouais. Voilà. Arbuckle comme Chaplin d'ailleurs, se trouve rapidement, du fait de son végétariat, à la tête d'une fortune. Il a beaucoup d'argent et donc il commence à mener une vie de star, faisant des soirées chez lui, invitant d'autres comédiens, comédiennes, souvent arrosés, etc. Et un soir, lors d'une de ces soirées, une comédienne, Virginia Rape, meurt au cours de la soirée. Grand scandale dans les journaux d'Hollywood, qui cherchent, qui sont à l'affût effectivement de ce type de faits divers. Arbuckle se trouve traîné devant les tribunaux. Il sera au final blanchi, mais entre-temps cassé. C'est-à-dire que sa réputation a été faite par les journaux People. Accusé de viol entraînant la mort. Hein, absolument. Voilà. On accuse de viol. Mais jamais rien n'a été prouvé. Et au final, il est blanchi. Mais sa carrière va s'arrêter là. Donc c'est un personnage très pathétique. Je prends un petit extrait dans le film d'un film d'Arbuckle, justement au moment où on parle de la force des médias dans à la fois la manière de faire ses vedettes et la manière de les défaire. Alors effectivement, je ne développe pas, dans un premier montage j'avais développé tout un passage sur Arbuckle en racontant l'itinéraire que je viens de vous raconter. Là le montage ne permettait pas, obligé à aller plus vite, donc je n'ai fait que référence visuelle à Arbuckle, mais derrière cette image il y a toute cette histoire de scandale et de comédien cassé, quoi. J'ai en mémoire une scène, enfin qui est rapportée plus exactement dans une bande dessinée qui était consacrée à Buster Keaton, où dans une scène où Buster Keaton et Fatty Arbuckle étaient côte à côte, une tarte était envoyée, une tarte à la crème bien sûr, était envoyée sur Fatty, et Buster Keaton explose de rire, il se fait engueuler ou je ne sais plus quoi, et puis à partir de là, il arrête de rire et il devient le Buster Keaton que l'on connaît, l'homme qui ne rit jamais. Oui. Vous connaissiez cette anecdote, non ? Pas du tout. Non. Bon, alors je ne sais pas si elle est vraie. Oui, hein. Oui. Non, mais par contre, sur Buster Keaton, c'est les rapports Buster Keaton-Chaplin sont également intéressants, oui. Puisqu'ils étaient très amis. Buster Keaton a fait une carrière aussi, mais à un moment donné, ça je ne connais pas les détails de les raisons de l'arrêt de sa carrière, mais lorsque Chaplin a fait Les Feux de la Rampe, son dernier film américain, Buster Keaton était quasiment dans l'oubli, il ne travaillait plus, et c'est Chaplin qui est allé le chercher et lui a proposé cette fameuse scène où ils font un duo au piano sur scène, Chaplin-Keaton, qui est resté vraiment dans les annales du cinéma, puisqu'on a un double numéro de pantomime dans le film. Revenons à Chaplin, mais plus exactement dans la relation que Charles Chaplin a avec le politique. Alors, il y a un certain sénateur américain, on en a déjà parlé au micro d'Histoire Vivante, qui va être à l'origine d'un code portant son nom. Je vais vous laisser évidemment Patrick Abou à nous le présenter. Et présenter également cette séquence et qu'est-ce qu'elle représente et qu'est-ce qu'elle nous dit de cette Amérique d'alors qui, tout de même, a tendance un peu à nous faire penser à l'Amérique de maintenant. Alors, c'est tout ce courant puritain américain qu'on retrouve très tôt dans l'histoire américaine. Chez les Wasps. Chez les Wasps, essentiellement, qui est animé par un certain nombre de ligues, à la fois chez les catholiques, mais aussi un peu chez les protestants, mais beaucoup de ligues catholiques, des ligues des familles, qui, à un moment donné, s'insurgent contre l'indécence dans les films. Il faut savoir que 80 000 salles de cinéma aux États-Unis à l'époque, et donc le public, c'est le grand divertissement du public américain dès les années 20, avant même le cinéma sonore. Les gens vont énormément au cinéma et c'est la grande nouveauté qui fascine. Mais les familles puritaines, ou du moins dans ce courant, trouvent rapidement, à la fois dans le contenu des films et dans la manière dont on raconte la vie des vedettes et leurs frasques, comme on a évoqué avec Arbuckle, tout à fait indécente. Donc, ces familles menacent de boycotter les films et s'organisent pour faire pression sur les producteurs et les distributeurs de façon à ce qu'on maîtrise le contenu des films. Avant qu'on en parle, qu'on en vienne à William Hayes, puisqu'il s'agit de Hayes, le code Hayes, je me permets simplement une incise. Il faut dire que ce cinéma-là, ce cinéma muet, est relativement proche d'une période qui la précède et qu'on va appeler grossièrement la période cow-boy western, où ça tire quand même dans les saloons, où les ligues existent déjà. C'est-à-dire qu'il y a sans doute aussi à penser qu'une angoisse réelle de la violence à l'intérieur des villes est dans l'esprit des personnes faisant partie de ces ligues. Donc on peut les regarder comme des grenouilles de bénitier, si j'ose dire, de stupides puritains et puritaines, mais on sait très bien aussi que les États-Unis sont passés déjà à cette époque-là, je ne parle même pas de tout ce qui touche les Amérindiens, mais par une violence de fait à l'intérieur de leur ville. Exactement, on est quand même dans une période qui n'est pas si lointaine que ça, de la conquête de l'Ouest, avec la loi du pistolet et du barbelé, et d'une justice souvent sommaire qui s'organise à un niveau local. D'où la puissance de ces organisations et la pression qu'elles peuvent faire sur le cinéma hollywoodien. Alors William Hayes, qui est-il, ce gars-là? William Hayes est un sénateur républicain qui est appelé, en fait, par l'organisation des producteurs d'Hollywood, d'une manière générale américain, qui crée une association qui s'appelle le MPPDA, Motion Picture Academy. Je pourrais pas vous dire. Il y a Académie au bout. Oui, c'est ça, oui, sûrement. Enfin bref, un syndicat de producteurs américains qui nomme William Hayes à leur tête, de façon à faire l'articulation entre les professionnels et les politiques et organiser un petit peu, on va pas parler de censure tout de suite, mais ça va rapidement virer à la censure, en tout cas le contrôle du contenu des films sous la pression justement de ces organisations, Ligue des Familles, Ligue des Catholiques, etc., qui menacent de boycotter. Donc les producteurs ont évidemment peur que leur film ne soit pas rentabilisé, puisque en fait l'autorisation de projeter un film est donnée par chacun des États. Donc ça désorganise totalement la distribution au niveau national, disons au niveau de l'ensemble des États-Unis pour les producteurs. Donc, ils décident de prendre les devants et de s'auto-organiser de façon à s'auto-censurer et suivre un code de bonne conduite. Donc, dans un premier temps, William Hayes propose une liste de choses à faire et à ne pas faire, à dire et à ne pas dire dans les films. Celle qui m'avait le plus marqué, c'était le minutage sur le baiser. C'est-à-dire que le baiser pouvait avoir lieu dans une scène de film, mais en aucun cas il ne devait durer plus de, je ne sais plus combien exactement. C'est ce genre de, si j'ose dire, de scènes qui sont traquées et censurées par William Hayes et ses collègues. Exactement. Je crois que ils avaient calculé que le baiser en moyenne était de 5-6 secondes et il fallait le ramener à 2-3 secondes. Ouais. Et du coup, il devait moins indécent. Le pays des bisounours, donc là, vraiment. Absolument, on est dans un stade d'hypocrisie totale, puisque je crois que c'est Cécile B2000 qui raconte qu'il avait été censuré pour son film... ça y est, j'ai oublié le titre, j'en parle dans le film... Ça me reviendra. Enfin bref, l'adage à Hollywood à l'époque, c'était de dire, pour contourner la censure, on va faire 6 bobines de péché et une bobine pour réhabiliter l'ensemble et que le film puisse passer à la censure. Donc voilà, ils étaient extrêmement attentifs à ce qu'il fallait faire et pas faire selon le code Hayes. Tiens, je vais me tourner vers le praticien Patrick Abouer, parce que on le disait déjà hier, vous avez fait quand même un très grand nombre d'objets filmés, notamment du documentaire. Avez-vous eu à vous frotter à la censure? Et si oui, comment vous en êtes-vous débrouillé? Puisque la censure, au moins, comprend un avantage. C'est ce qu'on dit beaucoup de gens en Russie, dans les ex-pays soviétiques. C'est qu'il faut inventer la langue d'Oedipe, il faut arriver à contourner, à donc inventer des stratégies d'opposition qui soient la moins visible possible. Est-ce que vous êtes déjà frotté à ces situations-là, vous? Je dois dire qu'en une trentaine ou une quarantaine d'années de pratique, essentiellement donc de documentaires pour la télévision, je n'ai pas du tout vécu la censure de, la censure de cette manière-là. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe est différent. C'est-à-dire que, en fait, c'est en amont. Il y a des sujets qu'on pourrait proposer et qui vous sont refusés et qui ne verront donc jamais le jour, ou de l'autocensure, c'est-à-dire que, sachant que voilà, tel ou tel sujet ne seront pas pris, vous vous donnez même pas la peine de les proposer. Mais par contre, une fois que le sujet est accepté, en tout cas c'est mon expérience aussi bien avec Arte que France Télévisions, j'ai ensuite absolument carte blanche. C'est-à-dire qu'il y a une, il y a un stade qui s'appelle visionnage avant mixage où le représentant de la chaîne vient voir votre montage avant que tout soit fini. Généralement, ça se passe comme une lettre à la poste et on modifie un ou deux détails. Mais on peut pas parler de censure à proprement dit. C'est plus vérifier que l'ensemble du contenu s'inscrit dans la ligne éditoriale de la chaîne plus que du... je n'ai jamais... enfin, en tout cas, j'ai pas eu un plein de censure du tout une fois que le sujet est accepté. Avez-vous le sentiment, Patrick Cabois, d'une certaine forme du retour de la pudibonderie dans votre beau pays, la France? Vous commencez par tout sauter. Oui, parce que y a, j'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit immédiatement. Ce qu'on appelle le politiquement correct aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous aviez évidemment deviné. Oui. Mais j'ai plutôt un sentiment de pouvoir dire les choses telles que j'ai à les dire sans avoir à me censurer. Après, on sait bien que, bon, dès qu'on est dans un média grand public et que la moindre de vos émissions est regardée par 500 000 ou 1 million de spectateurs, voilà, on connaît un peu le cadre dans lequel on s'exprime, mais au-delà de ça, non, j'ai pas du tout eu de ce type de sentiment de voilà de contrôle pudibond, comme on peut le décrire effectivement dans le film sur Chaplin. C'est d'ailleurs ce qui m'a énormément interpellé, c'est de savoir jusqu'où ils étaient allés dans le contrôle des scripts, donc très en amont, avant même que les films se tournent. C'est-à-dire que cette commission Hayes demandait à lire les scripts et parfois faisait changer des passages du scénario pour que ça soit conforme à cette fameuse liste des à faire ou à ne pas faire. C'est le tout premier des nombreux mémos consacrés aux relations politiques du cinéaste. L'agent spécial rend compte d'une réception donnée par Chaplin à son domicile de Los Angeles. Elle relève que parmi les invités, il y a des sympathisants bolcheviques et des radicaux hollywoodiens. Elle insiste sur la présence du leader syndicaliste communiste, William Foster. Hopkins relate qu'au cours de la soirée, Chaplin aurait critiqué Will Hayes et déclaré « Nous sommes contre toute forme de censure et en particulier contre celle des presbytériens. » Il serait même allé jusqu'à afficher une banderole dans ses toilettes sur laquelle était inscrite « Welcome Will Hayes ». Vous évoquez dans votre documentaire, Patrick Cabois, un script, le script, ou peut-être l'un des scripts du dictateur, 300 pages, déjà on imagine la somme de travail. Vous avez eu dans les mains ou sous les yeux les scénars de Charles Chaplin? Alors j'ai vu des facsimilés, j'ai pas eu effectivement les scénarios. Alors ça ressemble à quoi? J'ai vu la manière dont c'était dactylographié, rayé, repris, avec des annotations en marge de sa main. Mais pourquoi 300 pages d'un seul coup, alors que ses précédents films étaient quasiment pas scénarisés. Enfin, ils étaient scénarisés, mais beaucoup moins précis. C'est parce que on passe pour la première fois du muet à un film sonore et avec des dialogues. C'est son tout premier sonore. C'est pas son premier sonore parce que déjà dans Modern Times, on a une présence de son et la seule personne qui parle dans Modern Times, c'est le patron de l'usine et non pas les ouvriers. mais dans... Il manquerait plus que ça, que des ouvriers parlent, et puis quoi encore. Ça serait l'horreur, puisque les ouvriers ne sont, sont des robots. Ah, oui. Donc, voilà. Donc, dans dans Le Dictateur, effectivement, il y a un début de dialogue. Et donc, dès qu'on passe au cinéma sonore, évidemment, la préparation demande une écriture beaucoup plus minutieuse. Et c'est pourquoi, pour la première fois, Chaplin a commencé à découper et à faire un vrai découpage technique dans son script pour préparer le tournage. En plus, il a mis plusieurs années à réfléchir à son sujet, à regarder comment effectivement la situation politique se développait en Europe et savoir effectivement comment il allait faire cette charge contre les nazis et contre Hitler en particulier, quoi. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que Le Dictateur frappe par l'évidence du film engagé, mais on peut dire, quand on suit votre documentaire, Patrick Cabois, que l'ensemble de son œuvre, certes, relève du divertissement d'abord et avant tout, mais est systématiquement avec un arrière-plan constamment engagé. Engagé du côté du vagabond, le vagabond ayant mille et une figures apparaissant sous les traits d'un immigrant ou de je ne sais quel... voilà. Mais il est toujours de ce côté-là, c'est-à-dire de son côté à lui. Il est toujours du côté de celui qui va déranger le pouvoir avec son arme fatale qui est la dérision, le rire, la moquerie. Et l'auto-moquerie. Et l'auto-moquerie, bien sûr, puisqu'on ne peut pas avoir le sens de l'humour si on ne sait pas se moquer de soi-même. Je vous pose je ne sais pas du tout si vous avez travaillé là-dessus, Patrick Cabois, mais évidemment, en étant sur Chaplin et en étant sur autant d'archives, vous nous le disiez hier, vous avez eu accès aux films que Chaplin a tourné jusqu'à 1918, ce qui représente déjà une bonne centaine de petits films. Donc, vous avez eu le droit de voir, même si on a fait une sélection pour vous, une bonne vingtaine, donc de vous plonger pas mal d'heures devant ça et de mesurer, s'il en était besoin, la dimension universelle du langage du muet, du cinéma muet. Avez-vous déjà rêvassé ou réalisé un documentaire muet ? Non, j'ai jamais réalisé de documentaire muet. Ça vous a donné envie, ce que vous avez vu hier ? Enfin, ce que vous avez vu pendant tout votre montage, plutôt ? C'est tout à fait impressionnant, parce qu'on s'aperçoit du génie de Chaplin, là. Comment, précisément, sans aucun son, juste par l'image, il arrive à nous faire comprendre non seulement des situations, bien sûr, mais aussi des sentiments. C'est très fin. Et là, c'est tout son art de pantomime qui est là. Mais pas seulement. C'est aussi son art de cinéaste. C'est-à-dire qu'en fait, il a déjà une écriture, alors que le cinéma en est à ses débuts, en tout cas aux États-Unis. Il y a déjà une vraie écriture psychologique et qui, de film en film, se développe. C'est effectivement beaucoup plus burlesque dans les premiers films et au départ, c'est-à-dire les coups de pied au derrière, les coups de massue sur la tête, un pantomime un peu grossier. Mais très rapidement, on s'aperçoit que ça s'affine, il crée des personnages, il crée son personnage qui évolue dans des situations différentes. Et il dénonce, hein, très vite, il est très engagé dans sa critique sociale. Et donc, étonnamment, sans mots, sans dialogue, et c'est peut-être là où il est absolument universel, c'est qu'il nous donne une critique sociale, mais extrêmement, extrêmement vive. Hein, il tourne vite. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille rapidement ? Alors au début, oui. Au début, il enchaîne. Et au début, il enchaîne. C'est-à-dire qu'on voit les films se succèdent à la cadence pratiquement de deux par mois. Ils vont très très vite. Ils tournent en deux jours parfois dans un décor unique. Mais justement, c'est une des raisons qui fait qu'il va quitter ses producteurs comme First National ou SNA, qui sont ses producteurs au début. C'est pour avoir son temps à lui. Il demande de plus en plus de temps. Mmh. Et au fur et à mesure de ces films, qui sont de plus en plus élaborés, où le scénario se complexifie, évidemment, il prend plus de temps et donc plus de moyens pour faire ses films. J'ai eu envie de dire pour cette dernière partie d'émission, Patrick Cabois, que Chaplin est à la fois bien tombé et mal tombé. Il est bien tombé parce qu'à l'évidence, tombant quasiment à la naissance du cinéma, il y trouve là son moyen d'expression le plus évident, le plus patent. C'est vraiment une chaussure faite à son pied. Mal tombé parce que il va, mais comme bon nombre d'Américains à l'époque, aussi traverser une autre période sombre sur laquelle vous vous attardez, qui est celle du McCarthyisme, et notamment le rapport avec le complexe et conflictuel avec le FBI. Déjà sur cette première notion, est-ce que vous êtes d'accord? Bien tombé sur le début et puis franchement mal tombé au fur et à mesure. Bien tombé au début, bien sûr, puisque le fait que le cinéma soit muet pouvait mettre en valeur sa richesse de pantomime. Mmh. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a tout de suite éclaté à l'écran, qu'il a été reconnu par tout le monde, parce qu'il y avait ce langage universel muet. Mal tombé ensuite, je suis pas sûr, parce que il y a un certain nombre de cinéastes talentueux qui ont continué leur carrière sous le maccartisme. Effectivement, là, il s'est heurté à une opposition très farouche hein, de la part des autorités américaines. Alors d'un mot, il faut dire, l'obsession, c'est de dire Chaplin est communiste, il faut le prouver et puis il faut l'envoyer aux galères. Absolument, parce qu'il avait en face de lui ce personnage d'Edgar Hoover qui mettait dans le même sac les progressistes et les communistes. Et donc, dès que un cinéaste s'engageait sur une critique un petit peu plus acerbe du capitalisme américain, il était forcément un conspirationniste et un subversif. Donc, rapidement, effectivement, Chaplin a eu cette étiquette et était donc dans le collimateur d'Hoover qui l'a poursuivi par un certain nombre d'enquêtes. Il a mis plusieurs agents sur la traque de Chaplin. Et ça a été des écoutes téléphoniques, mais aussi surveillance de son personnel, surveillance de ses comptes en banque, évidemment surveillance de toute sa vie sentimentale et personnelle. Là, il y avait du travail, il fallait plusieurs agents, j'imagine. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le collimateur. J'ai été étonné de découvrir dans votre documentaire, Patrick Abouaz, justement à propos de ces inspecteurs au service de Hoover, chargés de l'enquête ou des filatures, de voir certains agents photographiés. On a donc des images de gens qui ont travaillé sur Chaplin. C'est quoi? Ce sont des images qui sont extraites du FBI se flattant lui-même en se montrant à l'image, soit dans des petits films, soit dans des albums photos. Alors, il faut dire que ce fameux dossier Chaplin, les 2000 pages déclassifiées du FBI, sont extrêmement censurées. C'est-à-dire que tout au long du rapport, on voit un certain nombre de lignes caviardées pour pas que certains noms apparaissent. Mais le nom des agents qui ont enquêté sur Chaplin, en tout cas, deux des agents, je pense qu'il y en a eu plus, mais en tout cas, deux noms ressortent et ne sont pas censurés. C'est l'agent Hood et l'agent Hopkins qui ont longuement travaillé sur Chaplin. Hopkins a fait un premier rapport dès 22 sur Chaplin et Hood a fait on retrouve tout au long du dossier FBI des mémos envoyé directement à Hoover, signé Hood, et ces mémos sont très longs, ils font 40-45 pages parfois où ils récapitulent tout ce qu'on peut reprocher au cinéaste, même les choses les plus anodines sont notées dans ce rapport. Comme quoi, alors, les fonctionnaires du FBI faisaient du zèle et tout. Ils travaillaient, ils faisaient très bien leur travail, ils ne bâclaient pas sur la question. Alors les agents que je montre lorsqu'on évoque Hood ou Hopkins, en fait, sont des images qui viennent des films de propagande du FBI dans lequel, alors, je ne sais pas si ce sont des vrais agents ou ce sont des comédiens parce que Hoover a commandé des films d'autopromotion du FBI dans lequel il met en scène le travail de ses équipes. Je suis pas sûr qu'il a mis en scène ses propres agents pour des raisons de confidentialité. Je pense qu'il a utilisé les comédiens pour jouer le rôle des G-Men. Vous nous redonnez le titre de votre documentaire. Donc, ça s'appelle FBI, le dossier Chaplin. C'est d'avoir dimanche soir sur RTS2. Merci Patrick Abouaz d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci beaucoup. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. avec la participation d'Isabelle Barthe, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Chaplin a eu souvent maille à partir avec la justice pour des affaires de divorce, reconnaissance en paternité, accusation de plagiat ou suspicion de sympathie communiste. Jalousé, accusé, haï, il a finalement trouvé refuge en Suisse. Chaplin, ce drôle de Charlot, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.